À l'occasion du 69e anniversaire de la fondation de la République populaire démocratique de Corée, le Comité national d'études des études jetées du Congo démocratique a fait paraître récemment un bulletin spécial. Le bulletin a présenté avec le portrait en sourire du président Kim Il-sung un écrit titré « Le président Kim Il-sung, père affectueux et fondateur de la République populaire démocratique de Corée ».